Welcome everyone to French Pod. Today we've got an intermediate lesson. It's called Speed Dating, third round. It's the third edition of our Speed Dating series. My name is JP. Bonjour à tous, chers amis. Je m'appelle Amaury. Salut Amaury. Salut Amaury. Défends pas mon nom, hein. C'est Amaury. Amaury. C'est vrai que c'est difficile, mais bon. Sorry about that. Donc on va retrouver Marion et on va poursuivre ses aventures. Okay. Now she's already had two speed dates. Oui. Okay, so this is the third one. You know, hopefully the third time's a charm. Ça peut porter chance. Mm-hmm. On va voir ça tout de suite. Okay. Alors je vais donner le mot clé. Okay, c'est quoi? Qui est ravi. Ravi. Ravi would be like enthralled. Oui. Right? Delighted. I'm delighted. Oui. Okay, je suis ravi. Donc on dirait que ça annonce de bonnes choses quand même. Mm-hmm. Il est temps d'écouter le dialogue afin de savoir. Okay. C'est parti, JP? Oui, c'est parti. Allez. Bonjour mademoiselle, Jean-Marc, ravi de faire votre connaissance. Moi aussi, je m'appelle Marion. Vous semblez différent des autres participants. Vous venez souvent à ce genre de soirée? Non, pas vraiment. Je suis venu accompagner un ami fraîchement célibataire qui n'osait pas venir seul. Et vous? Moi aussi, c'est la première fois. Mais pour le moment, ça a été plutôt catastrophique. Non, vraiment? Confiez-vous à moi. Eh bien, le premier était un maniaque qui cherchait une bonne à tout faire. Le second, un faux motard qui se prenait pour un poète. Quel tableau! Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment vous me décrirez au suivant. Ah ça, c'est entre vos mains. Mais rassurez-vous, vous partez avec une longueur d'avance. Le temps est presque écoulé, vous voulez mon numéro? Ça aurait été avec plaisir, mais... Je vois une alliance, c'est bien ma chance. JP, cette fois-ci, on y était presque. Yeah, almost. Je crois... Close, but no cigar. Je crois que Marion avait quelque chose pour cet homme. Yeah, you pour know. Jean-Marc. Yeah, you know, in the speed dating, there's not a lot of time for romance to develop, but I think her heart beat a little faster in this one. Malheureusement, elle a le cœur brisé. Yeah. Alors, on va voir comment ça s'est passé. OK. Bonjour, mademoiselle, Jean-Marc. Et là, on a déjà le mot-clé. OK. Ravi de faire votre connaissance. Okay, I'm delighted to meet you. I'm enthralled to meet you. Voilà. Donc, c'est cette façon en français de se présenter de manière très polie. OK. Ravi. Oui. Moi, j'aime beaucoup. J'accentue toujours sur la politesse. Donc, je trouve ça très charmant, en fait. OK. You are a very charming man, Emily. Merci, Jeffy. Arrête. Alors, elle est ravie aussi. Donc, elle se présente à son tour. OK. Je m'appelle Marion. Et directement, elle lui dit « Vous semblez différent des autres participants. » Ok, so that's « sembler », so that's « you seem different ouais. », right? You seem different than all the others. Dun, dun, dun. On pourrait dire aujourd'hui « Tiens, JP, tu sembles particulièrement heureux aujourd'hui. » « I seem particularly happy ?» Oui. « Really ? I don't know what it is. » Non, parce que tu as arrêté de fumer. Oh, that's right. Voilà. C'est déjà les premiers effets bénéfiques. Yes, it's happiness, ouais. You see. Let's go on. Alors, elle lui dit, vous venez souvent à ce genre de soirée. Okay, that's a line, right? Do you often come to things like these? Oui. Do you often come to this kind of party? Exactement. En fait, Jean-Marc n'est pas un habitué. Mm-hmm. Il dit, non, pas vraiment. Je suis venu accompagner un ami fraîchement célibataire. Okay. So a friend of his that's newly single. Exactement. Okay, so the friend was in a relationship before. Oui. Et donc il aide son ami qui n'osait pas venir seul. Okay. He didn't dare to come alone. Osé is to dare. Exactement. So he was, you know, in English we might say he's too afraid to come alone. Oui. Okay. On peut dire qu'il est un peu timide, sûrement. Mm-hmm. I think Jean-Marc is a little bit timid too because you don't just come along with your friends, do you? To a speed dating thing? Ah, si c'est pour l'aider, pourquoi pas? Ok, I guess. Ouais. I'm sure he wants to meet someone new himself. Et puis... Yeah? Cela ne nous regarde pas. Ok. All right, all right. Donc, elle explique à son tour que c'est la première fois qu'elle est là et que pour le moment, ça a été plutôt catastrophique. Ok, catastrophique. It's been a catastrophic experience. Eh oui. It's been terrible. On l'a bien vu, ça ne s'est pas bien passé. Yeah. Et lui, non, mais il est très gentil, ce Jean-Marc. Il dit, non, vraiment, confiez-vous à moi. Okay, let's hear it, you know. Why don't you go ahead and tell me, you can tell me all this stuff. Voilà, donc se confier, c'est vraiment raconter une histoire qui est un peu personnelle. Donc elle lui explique, elle lui dit que le premier était un maniaque qui cherchait une bonne à tout faire. Okay, a freak. He's a maniac. He's like a crazy man. Ouais. Who was looking for une bonne. Now, bonne, that's the feminine form of the word bon, which means good, but when you say une bonne, it's made, right? Exactement, oui. Okay. Et là, on rajoute même une bonne à tout faire. Okay, he wanted a maid that would do everything for him. Oui, donc c'est un peu négatif. Yeah, yeah. C'est appelé les housekeepers, les maids, bonnes à tout faire. Yeah. C'est vraiment péjoratif. Yeah, yeah. Et par contre, le second candidat était un faux motard. Okay, what's a motard? C'est simplement la personne qui conduit une moto. Okay, so a faux motard would be like a fake biker. Ouais. Okay, a wannabe biker. Ouais, exactement. Okay. Et ce faux motard se prenait pour un poète. Okay, il se prenait. This is se prendre. So he thought himself a poet. Voilà. Okay, se prendre is when you take yourself for something. Ouais. Means you believe. C'est quand on se fait une idée de soi-même mm-hmm. qui est complètement fausse. Okay, so he thought he was a poet, so he must have been really boring. Ouais. Et donc là, Jean-Marc, il entend ses explications mm-hmm. et il est touché. Mm-hmm. Il dit, quel tableau. Okay, what kind of expression is this? What a painting. What is that? What does that mean? Quel tableau. En fait, ça veut dire, qu'est-ce que vous me décrivez là? Oh, okay. Oui. So in English, we might say, what a scene. Exactement. Okay, but in French, it's what a painting. On prend le mot tableau, ouais. Okay. Et donc, il dit, et là, ce qu'il va dire est un peu ironique, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment vous me décrirez au suivant. Okay, this is a very complex sentence, but hang with me here. So, je peux pas m'empêcher, I can't stop myself, right. Right? From what? From wondering, de me demander. Oui. Right? How you're going to describe me? Comment vous me décrirez? This is décrire. Oui. To describe. Exactement. Okay. So, how you're going to describe me when to the next guy? Voilà. Donc, on est ici au futur, puisqu'il sait qu'il y aura d'autres qui vont passer. Right. Et qu'elle va raconter la même histoire. Right. We had the maniac, we had the faux motard. Oui. Now this guy. Et Jean-Marc. Jean-Marc. C'est qui Jean-Marc? Et là, elle a employé une expression, elle dit, ah, ça, c'est entre vos mains. Okay, well, that's up to you, right? Oui. Literally, this is entre vos mains, this is between your hands, it's in your hands. Oui. Okay, so you get to decide how this is going to go. Exactement. Mm-hmm. Mais rassurez-vous, vous partez avec une longueur d'avance. Okay, so you're starting with a head start. Une longueur d'avance, this is like, you've got a leg up on the situation. Okay. C'est quand on a un avantage par rapport aux autres. Okay, so this is partez avec une longueur d'avance. Oui, et c'est là qu'on sent que Marion aime déjà un peu Jean-Marc. Yeah. Oui. Yeah. Yeah, she's trying to encourage him. C'est très gentil comme réflexion. Mm-hmm. Et c'est même elle qui va proposer en premier son numéro, parce qu'elle dit « le temps est presque écoulé ». Ok, « time's almost up ». Oui, ça veut dire « passé » en fait. Okay. Mm-hmm. Quand on parle du temps, le temps est écoulé, okay. Ça veut dire que le temps est passé, est okay. Terminé. Got it. Et alors elle lui dit « généralement, c'est ce que tout le monde espère mm-hmm. ». Vous voulez mon numéro. Wow. She's offering it to him. Et voilà, c'est gagné normalement. That's right. High fives all around. Marion est heureuse normalement. Jean-Marc devrait être heureux aussi. But there's a mais. Exactement. There's a but. Ça aurait été avec plaisir. Oh, I would have loved to do that. That would have been with pleasure. Mais. Oui. But. Et c'est là qu'elle voit que Jean-Marc a une alliance. Oh, she sees his hand, his ring, right? Oui. His ring on his hand. Une alliance is the wedding band. Exactement. Okay. Oui. Et elle dit, c'est bien ma chance. Oh, that's just my luck. C'est une expression polie mm-hmm. qu'on emploie pour dire qu'on n'est pas content. Right. Right, c'est bien ma chance. Pour dire simplement, je n'ai pas de chance. Mais c'est la vie, hein? Ouais, c'est la vie. Allez, on retrouve Marion et Jean-Marc dans ce dialogue. Ok. Bonjour mademoiselle, Jean-Marc, ravi de faire votre connaissance. Moi aussi, je m'appelle Marion. Vous semblez différent des autres participants. Vous venez souvent à ce genre de soirée? Non, pas vraiment. Je suis venu accompagner un ami fraîchement célibataire qui n'osait pas venir seul. Et vous? Moi aussi, c'est la première fois. Mais pour le moment, ça a été plutôt catastrophique. Non, vraiment? Confiez-vous à moi. Eh bien, le premier était un maniaque qui cherchait une bonne à tout faire. Le second, un faux motard qui se prenait pour un poète. Quel tableau! Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment vous me décrirez au suivant. Ah ça, c'est entre vos mains. Mais rassurez-vous, vous partez avec une longueur d'avance. Le temps est presque écoulé, vous voulez mon numéro? Ça aurait été avec plaisir, mais... Je vois une alliance, c'est bien ma chance. All right, we're back, Amélie, and I'm not sure I get it. He came to speed dating and he's got a ring on? So he's married. Oui. So why did he go to speed dating? What is that about? Il est là pour accompagner son ami... Oh, sure, that's what he said. Mais son ami est fraîchement célibataire. Ok. Il est peut-être pas bien, tu vois. Donc il est vraiment là pour l'aider. Oh, ok. Je ne suis pas d'accord avec toi, JP. So this makes perfect sense to you. Oui, tout à fait. Really? Ok. Toi, tu crois que Jean-Marc, pense à autre chose. Well, I don't know. He went to the speed dating appointments. Ouais. Like, he doesn't seem to be with his friend now. Non, mais attends, j'ai... Les speed dating, ça marche comment? S'il est venu, il l'accompagne, mm-hmm. mais il doit quand même participer. Yeah, yeah. Donc, c'est un participant comme les autres. Okay. Et il doit entrer dans le jeu. You know what, Amaury? I guess I learn something new every day because I don't have the speed dating experience that you have, so... so I wouldn't know these things. Ok, j'ai fait tous les speed dating. J'ai déjà tout fait. J'ai tout fait pour rencontrer la femme de ma vie. That's right. Remember to take off your wedding ring, Amaury. C'est vrai. Before c'est vrai. You go speed dating. Moi, je me demande, JP, si Marion ne devrait pas arrêter. Yeah. Parce que là, elle n'a vraiment pas de chance. Mais je crois qu'on la retrouvera quand même une dernière fois. Good. Well, you know what? Maybe the fourth time is a charm. I hope so. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant cette leçon, il y a énormément de vocabulaire et beaucoup de grammaire. N'hésitez pas à nous les poser sur la page de discussion. On se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, JP, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À la prochaine.